La maison d'édition de la jeunesse Kumson a publié de nouveaux livres. À l'occasion des 70 ans de la fondation de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, elle a mis au monde cette année les livres des dizaines d'espèces, tels que les ouvrages sur les exploits et la grandeur des grands hommes d'Ektusan, sous les titres « Premier trésor du leader », tome 2, « Le général et les fêtes » et « Le maréchal et le mythe des jeunes héros de Ektusan ».